seuls tous les médias. Pour l'ignorance, les fourmilières, pour détourner votre attention. Mes besoins valent bien une nation qui est à leur mettre la tête sous l'eau, la propager sur les réseaux. Je suis bête et tendre, je suis doux comme un agneau. Alors je me fais saigner, je me fais saigner. Après je me soigne sur Doctissimo.